dernier, fais-moi la page, je suis comme Michael, je suis sur Lyon, zin, zin, zin. Ouais, t'as dit quoi, ma gueule? Très bon, se parler, je peux en pétard. Après, la veille, on s'est pété, j'ai le jeu et j'ai le terre. Là, je marche sur la lune comme Michael. Lâche-moi, Elon, mon zèbre est là. Allo, Nina, fais le ménage. Allo, Coco, sur Instagram, Maya, la peau, là, je décale. Après, je suis bien là, ça flotte tard. Avant, trop qu'y a plus de stress. Plus d'écho, plus de pélo qui prend ça avant tout à la gueule. Si t'as un doute, moi aucun. Désolé, c'est pas pareil. On est tous solitaires, c'est ensemble qu'on fait notre zèle. Si t'as des frères, il est pas, on juge un homme à sa parole. Mais pas la putain, frérot, je pourrais jamais pardonner. Faut la deck dans ton talent, précommande, sans oublier Napster. C'est pas dans ton game, du faisceau, je prends les commandes. Puissant comme un dragster, face à ces bouffons, j'ai la haine, je deviens grave bitch. On va changer les paramètres, zéro triche, zéro bonus, zéro gadget. Toi, tu parles beaucoup comme une ratchet. Maintenant, je veux la meilleure actrice en j'ai essayé deux fois plus d'inspi quand le ciel écrit tous les jours dans la fumée le repenti. Je le dis sans mentir. J'en ai l'alarme quand la 808 retentit. Ton équipe elle est trop gentille. J'en ai l'alarme quand la 808 retentit. Ton équipe elle est trop gentille. J'en ai l'inspi, j'arrive comme si je passais l'aspi sur ses buts. Ton rappeur c'est plus grand joueur de pute. Pour signer un contrat, il baisse son cul. J'aime bien quand elle danse, danse. J'aime bien quand elle queen. Je veux être le king. L'argent ma queen. Et on se voit la pouvance. Du coup, fuck le trône. Ça me guette dans les yeux. Ça veut demander une pix. Oh, fuck, j'ai juste lancé un pic. J'ai pas demandé au grand frère de sortir le Glock. Ta pute me drague. J'crois qu'elle veut goûter toutes mes drogues. On est seul, finira seul. Dans son linceul. Plus vite que prévu, j'ai rempli la feuille. Quand j'avais soif, bah j'ai rempli le verre. Depuis longtemps, j'ai dépassé le seuil. Et puis mon gang est solide comme le fer. J'vais les convaincre, mais ta fanbase en deuil. Faut la deck dans ton tel en précommande, sans oublier Napster. C'est pas dans ton game, du faisceau je prends les commandes. Puissant comme un dragster, face à ces bouffons j'ai la haine, je deviens grave bitch. On va changer les paramètres, zéro triche, zéro bonus, zéro gadget. Toi tu parles beaucoup comme une ratchet. Maintenant je veux la meilleure actrice en j'ai essayé deux fois plus d'inspi quand le ciel écrit tous les jours dans la fumée le repenti. Je le dis sans mentir. J'en ai l'alarme quand la 808 retentit. Ton équipe elle est trop gentille. J'en ai l'alarme quand la 808 retentit. Ton équipe elle est trop gentille.